La Pia, par Paul Bourget, chapitre 1er. Qui a pu voyager en Italie et ne pas connaître quelqu'une de ces journées de parfaite beauté, où il semble que toutes les circonstances se réunissent pour porter à l'âme à son plus haut degré d'émotion heureuse? La saison qu'il est, le temps qu'il fait, la lumière du ciel, le coloris du paysage, la rencontre en un chef-d'œuvre inconnu, la grâce pittoresque des gens. Ailleurs, en Égypte, en Algérie, en Andalousie, vous trouverez un air aussi tiède, aussi transparent, d'aussi lumineux après-midi. En Syrie, au Maroc, des horizons plus grandioses. En Espagne, en Grèce, des tableaux, des sculptures, des architectures d'une égale splendeur. En Provence, en Irlande, des hommes du peuple aussi humoristiquement familiers. En Italie seulement, vous goûterez l'accord total de ces impressions, et cela donne à certaines heures, dans cette contrée, un inoubliable, un incomparable enchantement. Que j'en ai savouré de ces heures durant mes 20 séjours au-delà des Alpes, loin, bien loin de Paris, et de ses pauvretés intellectuelles, loin du monde littéraire et de ses cruautés gratuites, loin, bien loin de tout et près de l'idéal, près des morts qui nous ont légué dans leur art le meilleur d'eux-mêmes, près de l'âme de notre race, puisque c'est ici le point d'origine de l'esprit latin, du commun génie que nous renions en vain dans des rivalités fratricides. En Toscane, autour de Pise, de Florence, de Sienne, il y a des coins dont le seul nom, gravé sur une carte, fait battre mon cœur. De Sienne, surtout. Bayle a ordonné que l'on mît sur son tombeau Milanese. Je suis parfois tenté de demander que l'on écrive sur celui où je reposerai Senese. Et ce ne serait pas trahir mon vrai pays. Tant d'histoires françaises et de la plus héroïque demeurent mêlées aux pierres de cette ville où commanda Montluc et qui seul nous resta fidèle durant ce terrible XVIe siècle, si indulgent aux trahisons. Étranger, est-il écrit sur une de ses portes, Sienne t'ouvre son cœur. Je n'ai jamais lu cette inscription sans m'attendrir. C'est le détail des souvenirs attachés à deux de mes séjours dans cette chère ville que je voudrais fixer aujourd'hui. Le premier remonte au printemps de 1885, et je le retrouve en moi, quand j'y songe, comme un de ces rayonnements de beauté dont je parlais tout à l'heure. Ce matin-là, un des derniers du mois de mars, j'étais parti sur la foi d'un livre anglais pour visiter un couvent de franciscains perdu dans la montagne au-dessus de Volterra. Je devais y voir toute une série de scènes de la Passion, représentées en terre cuite coloriée, l'œuvre la plus considérable de ce mystérieux sculpteur aveugle, Giovanni Gonelli, dit « Il cieco di Gambassi ». L'excursion, assez longue et compliquée, m'avait été fortement déconseillée par mon guide habituel à travers la province, un vieil artiste dont j'avais fait la connaissance au petit musée municipal de Sienne. Il y était attaché, je ne sais trop en quelle qualité, et il passait ses journées depuis 20 ans dans une des salles du premier étage, à mastiquer de cire les éraillures des panneaux peints à tempera par tous les Bartolo di Maestro Freddi, les Taddeo di Bartolo, les Domenico di Bartolo, les Matteo di Giovanni di Bartolo, les Benvenuto di Giovanni, les Girolamo di Benvenuto. Je me perds aujourd'hui parmi les noms de ces vieux maîtres. Le cavalier Amilcar Martini m'avait pourtant bien appris à les distinguer, lui dont la vie entière s'était employée à réparer leur madone avec des délicatesses de dentiste qui horrifient les deux dents de devant d'une princesse royale. C'était un homme de mine chétive qui portait de longs cheveux soyeux et grisonnants, une barbiche blanche, et ses yeux, d'un brun pâle, luisaient dans un maigre visage tout passé, tout effacé. À force de vivre devant les fresques éteintes et les triptyques dégradés du XIVe siècle, sa personne physique semblait s'être harmonisée à ses décolorations. Il les aimait si passionnément, ces peintres de son pays. Il veillait sur leur œuvre survivante avec une si religieuse patience, et tout ce qui n'était pas eux lui paraissait si barbare. « Qu'irez-vous faire à San Sebastiano ?» m'avait-il dit. C'était le nom du couvent. « Il n'y avait là qu'une bonne chose, un supplice du saint, par Giovanni di Paolo. Les moines l'ont vendu à un Anglais à l'époque de la suppression. « Et le Ghirlandaio qui reste ? Et les terres cuites ? Ghirlandaio !» m'avait-il répondu avec mépris, en laissant errer son regard sur les fonds en or des tableaux de son musée. « Pouah ! C'est un brave artiste, mais déjà de bien basse époque. Quant aux terres cuites, elles sont du XVIIe siècle. Et puis, avait-il ajouté, vous n'arriverez jamais à San Sebastiano en un jour. » En allant avec le train jusqu'à Castel Fiorentino, cependant. Je suis là vers les 10 heures. Comptez 3 heures de voiture pour aller, autant pour revenir, 2 heures dans l'intervalle pour laisser reposer les chevaux, déjeuner, voir le couvent, et je suis à temps pour le dernier train qui me ramène à Sienne vers 9 heures. Il faudrait pour cela que le chemin de fer parti y arrivât à l'heure, avait répondu philosophiquement l'adorateur des primitifs en hochant sa vieille tête. Et vous savez bien qu'il y a ici toujours du retard. Le retard en tout, hélas, c'est le destin italien, aujourd'hui. Je l'entends encore, après tant d'années, prononcer avec un soupir et un sourire cette formule, où il y avait de l'ironie et de la conviction, de l'orgueil et du désenchantement. Il destino italiano. Je devais en avoir un commentaire trop indiscutable dès le lendemain matin, car, m'étant obstiné, malgré l'absence du panneau de Giovanni di Paolo à entreprendre mon voyage, un embarras de la petite ligne locale me fit arriver à Castel avec 2 heures de retard, et le premier cocher que je consultai, aussitôt descendu de wagon, répondit à ma demande « Pour aller à San Sebastiano de Montaglione, il faut 3 heures et demie en marchant bien, autant pour revenir et 1 heure de repos là-bas. Cela fait 9 heures. Encore faudra-t-il que j'attelle le Moro, car la jument est bonne, mais elle est vieille, et il faut l'aménager. Qui non ha amore alle bestie, non la neanche ai cristiani. » L'aimable Toscan avait dit cet aimable proverbe en caressant du fouet la pauvre rose blanche attelée à sa voiture, une de ces carrioles à deux roues que les gens du pays dénomment des barocchini. Les brancards attachés très haut pointent à la hauteur des oreilles de la bête. Les deux personnes que peut tenir l'unique banquette sont rejetées en arrière à chaque coup de collier. Elles doivent, pour maintenir leur équilibre, assurer leurs pieds sur le treillis en grosse corde qui sert de fond à la voiture et de filet pour les paquets. C'est tout de même un admirable outil à rouler vite que cette dure charrette, si légère, si gaie. Elle brave fondrière et cailloutis, montée et pente. Et puis, lorsqu'un cocher est plaisant comme celui-là, et qu'il parle joli italien, mâle et musical, de cette province, quelle fête d'aller ainsi parmi les oliviers, les mûriers, les vignes et les chênes verts. Le geste de l'homme flattant sa jument avait été si avenant. Dans son costume de drap jaune à carreaux noirs, il avait une si alerte tournure. Son brun visage exprimait tant d'intelligence qu'obligé de renoncer à mon expédition, je fis un mauvais jeu bonne mine. Les Toscans ont encore un proverbe pour cette sagesse-là. D'ailleurs, pour quelles circonstances n'en ont-ils point ? Qui non può berne l'oro, beva nel vetro. Que celui qui ne peut boire dans l'or, boive dans le verre. 9 heures, eh bien, je n'irai donc pas à San Sebastiano, lui dis-je. Je ne serai pas à temps pour le train. Mais n'y a-t-il pas quelques promenades à faire plus près ? Des promenades ? S'écria-t-il. Si vous voulez monter dans la voiture avec la blanche, je vous porte à San Gimignano en 1 heure et demie. Et quelles églises il y a là, et quelles fresques ? Tutta roba del Quattrocento. Je les connais, répondis-je, amusé par l'accent avec lequel il avait prononcé un des deux mots que les plus humbles habitants de cette artistique campagne ont toujours à la bouche. Quattrocento, c'est l'éloge. Seicento, c'est l'autre mot et c'est le mépris. Il les distribue, ces formules, au petit bonheur, et avec une assurance, une sincérité. Celui-ci réfléchit une minute. Est-ce que vous connaissez San Spirito in Valdelsa ? Me demanda-t-il, et sur ma réponse négative, « Non, mais c'est la plus belle église de la Toscane, je vous y porterai, » dit-il en ramassant les rênes. « Accommodez-vous. » Et sur ma réponse que je n'avais pas déjeuné, « Heureusement, il y a ici la meilleure auberge de la province, » s'écria-t-il. « Une cuisine de famille, vous savez, mais de premier choix, et du Chianti, du vrai cru. »« Veramente, non c'è male. Je profiterai de ce temps. » Je profiterai de ce temps pour atteler le Moro. La facilité avec laquelle ce subtil personnage faisait alterner des éloges enthousiastes et ce prudent « non c'è male » me mit bien un peu en défiance à l'égard du monument inconnu qu'il entendait me révéler. Mais quoi ? À défaut d'un chef-d'œuvre d'architecture, j'aurais le paysage toscan. J'aurais la conversation d'Antonio Bonciani, ainsi s'appelait mon tentateur. Et aussitôt, le déjeuner fini, lequel se composait d'une omelette à l'huile, d'un peu de viande grillée qu'il fallut tremper de citron, et d'un verre de Chianti, piquant à en paraître poivré, je me hissai sur la banquette du Barocchino. Nous voilà donc roulant lestement au trot du Moro. Un bidet plus maigre que la jument, avec des flancs étiques, un coude décharné, mais des jambes solides et qui vont le vent aux descentes. Bonciani, pour le soulager, marche aux montées. Il allumait un long cigare, préalablement vidé de sa paille, et nous causons. C'est, autour de nous, le plus idyllique des horizons. Ici, une vallée où les mottes, brunes et retournées, attendent le maïs et les fèves. Plus loin, le blé et l'avoine commencent à lever, vert sur la terre sombre. Presque tous les champs sont plantés d'arbres, au tronc desquels s'enlacent des vignes. Des hommes taillent le bois de ces vignes encore dénudées et les attachent à l'ormeau, avec des baguettes jaunes en osier souple. De noueux oliviers, de place en place, remuent au soleil leurs feuillets d'argent gris. Du haut des coteaux, on aperçoit la forêt là-bas, d'où arrivent les charbonniers qui passent, menant des chars traînés de bœufs blancs aux cornes énormes. Ils portent, qui à Castelfiorentino, qui à Empoli, qui à Florence, des sacs remplis d'un charbon de bois, destinés à rôtir, dans la saison de la chasse, les grives nourries de baies de genièvre. De grosses bourgades, dentelles de tours les hauteurs lointaines, et de place en place, derrière un rideau de cyprès, une villa peinte profile sa masse claire auprès d'une ferme qui sert à l'exploitation. Sans cesse, à la fin d'une descente, au faîte d'une colline, au détour d'une vallée, nous retrouvons le mince ruban de l'Elsa. Elle tord son eau, d'un vert très pâle, entre deux rivières argileuses. Un soleil léger et vibrant, un jeune soleil d'une griserie heureuse, enveloppe d'une féerie de lumière ses travaux des champs, ses jeunes pousses, ses attelages, ses arbres, cette forêt, cette rivière. Et j'écoute Bonciani me célébrer les louanges de sa Toscane, de notre Toscane. « Ah » racontait-il, « l'Italie est le jardin du monde, et la Toscane est le jardin de l'Italie. C'est dommage qu'il ait un peu trop d'improme maintenant. Autrefois, tout était à si bon marché. » Pour prendre une merenda qui se composait d'un pigeon, de macaroni, de pain, de salade, le tout arrosé d'un demi-fiasco de Chianti, mon père payait un paolo, 56 centimes d'à présent. Aujourd'hui, il faut gagner un peu plus. Mais bah, nous n'avons pas l'épaule ronde dans la maison Bonciani. Nous sommes 5 frères. L'aîné fait le vendeur de chapeaux. Moi, le second, je suis voiturier. Le troisième est en Amérique, au Brésil. On lui payait mal le Chianti et l'huile qu'il expédiait là-bas. Alors, il est allé faire ses affaires lui-même. Le quatrième frère a pris la ferme et envoie le Chianti et l'huile à l'autre. Ils réussissent. Il disait « Fano del bene ». Comment traduire ces mots, accompagnés d'un geste des doigts et d'un clignement des yeux? Comment traduire aussi cette gracieuse image sur l'épaule ronde, qui symbolise le nonchaloir, parce qu'elle laisse glisser les fardeaux? Et la merenda, ce goûter souper, et tout le vocable italien, ponctué de ces durs prononcés en H aspiré. Il continuait. Le cinquième est à Rome, employé du gouvernement. Toute la famille s'est étalée ainsi. Tutta la famiglia, s'est ramata così. Et du doigt, montrant un gros hameau sur une crête au loin. Notre père est venu de là, de Montaglione. Ils étaient eux, 4 frères. Père Bacco, ils sont allés souvent à la messe de la Pentecôte, tout petits, à San Spirito in Val d'Elsa. L'église dépend donc de ce village? Lui demandai-je. Que? Si vous disiez cela à l'archiprêtre, le brave homme crierait de colère. Il est vif comme le feu, vous savez, malgré ses 70 ans. Mais ce ne sont pas les vifs qui sont à craindre. C'est la colère de ceux qui ne se fâchent jamais dont il faut avoir peur. Nous disons en Toscane, garde-toi du vinaigre de vin doux. Vous comprenez? San Spirito in Val d'Elsa ne demande que du Saint-Père. L'archiprêtre vous l'expliquera. Il vous expliquera tout. Il est si fier de son église. Il y a longtemps qu'il l'administre? Au moins 40, fit Bonciani. J'en ai 38 et j'ai toujours connu Dom Casalta. J'étais haut comme la moitié de mon fouet, que je le voyais aller et venir, quêtant de l'argent pour son église. Il en a mangé des mille et des milliers à la reconstruire. Quand il l'a pris, c'était une ruine. Et vous jugerez, on la croirait neuve. C'est qu'il l'aime, et c'est qu'elle est belle. Le plus pur quattrocento. Jamais la prodigieuse souplesse de ce vocable admiratif ne devait être illustrée pour moi d'un plus étonnant exemple qu'à cette occasion. À travers les pittoresques bavardages de ce brave garçon, et depuis une heure que nous marchions, je m'étais fait une idée assez pauvre de l'édifice et du prêtre vers lequel il me menait. J'imaginais un monument d'un style quelconque, violemment badigeonné, flambant neuf, et pour y présider, quelque ecclésiastique à demi-paysan, grand buveur de Chianti, grand mangeur de gorgonzola, grand quémandeur d'aumône et fort mal élevé. Aussi fut une première surprise et délicieuse lorsque, à un tournant du chemin, Bonciani me montra du bout de son fouet une façade soudain dressée à 200 mètres de nous, et que j'aperçus le plus rare bijou de vieille basilique mi-romane, mi-gothique. Je devais plus tard retrouver dans la collégiale de San Chirico. Commencée elle aussi au 8e siècle et finie au 13e, cette légèreté paradoxale d'un style adorablement ambigu, avec les arches du porche arrondies en plein cintre et les fenêtres du clocher aiguisées en ogive. Cette façade de pierre rousse, comme brûlée, comme mangée de soleil, était revêtue de plusieurs rangs de colonnes étagées, d'une sveltesse singulière. Je constatais en m'approchant combien cette impression de légèreté était savamment obtenue. Chacune de ces colonnes ramassait en un faisceau 4 plus petites colonnettes, ajourées, toutes grêles, et enjolivées d'un serpent qui en faisait de véritables torsades. Des animaux jumelés formaient les chapiteaux et d'autres bêtes se voyaient partout. Au fronton, 2 crocodiles se dévoraient au-dessus d'une madone. Au portail, des lions et des léopards accroupis soutenaient les piliers de la base. Contre l'église s'accotait une maison construite en pierre de cette même couleur rousse. Elle devait servir de presbytère, car à l'approche de notre voiture, je vis sur le seuil une silhouette surgir qui fit s'écrier mon cocher. « Voilà Dom Casalta lui-même. Ah, l'on ne peut pas dire de lui que ses cheveux gris sont les fleurs de l'arbre de la mort. Est-il vif ? Et à chaque nouveau printemps, il a l'air plus jeune. » Le fait est que l'extraordinaire personnage qui nous accueillait maintenant d'un salut, ainsi debout à côté de l'admirable église, n'offrait dans son premier aspect aucun signe du grand âge mentionné par l'indiscret Bonciani. L'archiprêtre était un homme de 6 pieds, demeuré souple et mince. Un sourire de sympathie éclairait son beau visage bien rasé, où brillaient 2 yeux du bleu le plus limpide, et ce sourire découvrait une rangée de traits blanches dents que l'on devinait intactes. Il avait la tête nue. La brise qui avait rafraîchi toute notre excursion de cet idéal après-midi secouait doucement les boucles argentées de ses cheveux qui retombaient sur le collet droit de sa redingote taillée à l'ancienne mode. Une culotte courte, des bas de soie où se dessinaient des mollets d'athlète, des souliers à boucles dorées où se moulait un pied un peu déformé par la goutte, achevaient ce costume que le bonhomme portait avec une élégance personnelle d'un caractère très saisissant. Le vieillard avait dû être, à 30 ans, un des plus beaux exemplaires d'une race féconde en beaux exemplaires humains. Il était encore magnifique de robustesse et d'allure. Avec cela, il émanait de lui une dignité native, cette grâce aimable pour laquelle ses compatriotes ont créé le mot de sympathique. « Bonjour, Tonino, » dit-il à Bonciani, d'une voix profonde, comme en ont souvent les personnes de son âge qui conservent la pleine vigueur de la vie. « Il y avait longtemps que tu n'étais venu faire tes dévotions à San Spirito. Où étais-tu à la Pentecôte dernière ? Mais il te sera beaucoup pardonné, puisque tu nous amènes des visiteurs. Et vous, monsieur, soyez le bienvenu. Vous arrivez à une heure admirable. C'est le meilleur moment de la journée pour voir la façade, à cause de l'éclairage. Tenez, à 2 pas en arrière de la voiture. 2 pas, juste, c'est le point. » Sans chapeau, quoique le soleil de cette fin de mars fût déjà brûlant, l'enthousiaste s'était précipité vers la carriole. Il m'avait aidé à descendre, et me prenant par le bras, il m'avait placé à l'endroit voulu. Qui étais-je ? D'où et pourquoi venais-je ? Mes connaissances ou mes ignorances en architecture ? Que lui importait ? J'étais le témoin de sa chimère. Me voyait-il ? Non. Il ne voyait que l'église, son église. Toute sa noble physionomie s'animait, s'éclairait d'une joie exaltée et naïve. C'était l'extase du numismate qui manie une médaille à fleur de coin, de l'archéologue qui contemple une stèle antique, du fleuriste qui s'hypnotise devant un œillet triplé. Quelque chose ennoblissait dans cet aimable Dom Casalta cette fièvre maniaque du collectionneur. Il était prêtre, et le sanctuaire où il disait sa messe chaque jour depuis 40 ans ne lui représentait pas seulement un bel édifice. Son être entier, à cette minute, faisait un commentaire vivant à la phrase du psalmiste « Seigneur, j'ai aimé la maison où vous demeurez et le lieu où réside votre gloire. » Je compris dès 7 secondes qu'avec toute sa finesse de rusto, Bonciani n'avait su ni démêler la vraie nature de cet homme, ni me la faire deviner. J'avais devant moi un cas très extraordinaire de passion, celle d'un desservant génial pour sa chapelle, passion très étrange, très particulière, comme il a dû s'en produire par centaines au Moyen-Âge. Ainsi s'explique la fondation et l'achèvement de tant d'édifices magnifiques, à travers de tels obstacles. Sur la fin du 19e siècle, ces ferveurs-là sont plus rares. Aussi écoutais-je avec un intérêt de curiosité vivement excité ce vigoureux et radieux vieillard m'ouvrir ingénument son cœur comme il faisait sans doute à tout passant venu dans sa solitude. « Regardez bien la statue de la Madone sur le tympan du porche, » disait-il, après m'avoir détaillé les crocodiles et les léopards un par un. « Celle qui tient l'enfant à distance et qui hanche, en se rejetant comme ceci. C'est un chef-d'œuvre de l'école pisane et, pour moi, une statue de Nicolas de Pise lui-même quand il travaillait à la chaire de Sienne. Vous voyez les grands traits sévères de la Vierge, et comme elle est triste de ce qu'elle pressent, comme elle respecte aussi le sauveur de l'enfant. On l'avait enlevée d'ici, monsieur, le croiriez-vous, et vendue. Elle avait fini par échouer au musée du Bargello à Florence. Heureusement, celui qui l'avait volée était, malgré ce vol, un bon chrétien. À son lit de mort, 20 ans après la disparition de la statue, il a chargé son fils de venir me dire son crime, et à qui il avait cédé la Madone. C'était avant moi, vous savez, ce larcin. Mon pauvre prédécesseur, Dieu ait son âme, ne se souciait pas beaucoup des objets d'art. Enfin, je débarque chez le brocanteur de Luc qui avait acheté la Madone aux paysans. Il commence par nier. Il ne se rappelait plus, après tant d'années, il finit par faire l'insolent. Nous étions seuls dans la boutique. Je le prends par le bras et je le soulève de terre en lui montrant la fenêtre. « Si tu ne me dis pas la vérité, tu es mort. »« Ah, j'étais robuste alors. » Et il riait gaiement de ses 32 dents, conservées malgré l'âge. Je ne lui aurais rien fait, bien sûr, et c'était une menace pour l'épouvanter. C'est permis, un mensonge comme celui-là, pour le service de Dieu, n'est-il pas vrai? Le brigand a peur, et il avoue. La Madone était au Bargello. Au Bargello, comment la revoir jamais? Je prends le train pour Florence, où je savais trouver la princesse Marguerite, qui est notre reine à présent. On m'avait dit qu'elle aimait les arts. Je vais droit à son palais, je demande à lui parler. On me renvoie. Après toutes sortes de difficultés, je finis par être introduit. Je lui raconte mon histoire, comme je viens de vous la raconter. Elle rit, et 8 jours plus tard, la Madone était revenue. Cette fois, elle tient aux pierres, et les voleurs ne me la décèleront pas, je vous jure. C'est moi qui ai mis le ciment, de mes mains. Il les montrait avec orgueil, ses mains d'ouvrier sacré, de fortes mains, aux doigts longs et d'une spiritualité singulière, malgré les petits nœuds rhumatismaux des jointures. Comme il se taisait, en contemplant la Vierge pisane, parée dans sa rudesse triste aux sarcleuses ou aux bergères de notre Millet. Une autre personne parut sur le seuil du presbytère, une toute jeune fille, de 20 ans peut-être, frêle et jolie, avec un teint d'une pâleur fiévreuse et une envolée de fins cheveux, couleur de cendre, sous un chapeau rond, de paille très souple, à fond minuscule et à larges ailes flottantes. Elle tenait à la main un autre chapeau, celui de l'archiprêtre, et elle l'interpellait sur un ton de reproche soumis et affectueux. « Donc, Casalta, c'est la signorina Beach qui m'envoie vous dire que ce n'est pas prudent d'être au soleil la tête nue. Prenez votre chapeau, vite, vite. »« Et c'est pour cela qu'elle t'a fait quitter ta dentelle, ma pauvre Pia. Ce n'était pas la peine. »« Nous allons entrer dans l'église, n'est-ce pas, monsieur ?» ajouta-t-il en se tournant vers moi. « Et puisque tu es là, » cette fois il parlait à la jolie jeune fille, « apporte-nous la clé de la chapelle du fond. » Et de nouveau, m'interpellant, « c'est ma petite élève. » fit-il, une enfant d'ici. Vous pouvez voir la ferme où loge son père, là-bas, tenez, à 100 mètres. Cette maison, entre ces cyprès, par-delà une petite chapelle, un des reposoirs des moines quand il y avait un couvent ici. Tout a disparu, excepté cet édicule. Pia, elle est bien nommée, allez. Elle aime son San Spirito autant que moi, et intelligente. C'est avec son aide que j'ai refait l'hôtel que vous allez voir. Ah, elle a du mérite, beaucoup de mérite. Il lui est arrivé une de ces disgrâces qui sont aussi de bien grands dangers. Une dame riche, une comtesse qui a un château près de Gambassi, de l'autre côté de ces collines, l'avait remarquée voilà 5 ans et emmenée à Rome. La Pia est si fine et si délicate. La comtesse, qui n'avait pas d'enfant, voulait l'adopter. Pendant 3 années, la petite a vécu da contessina. Comment traduire de Rechef cet italianisme? Et puis la comtesse est morte subitement. A morte improvisa, libera nos domine. Il se signa. Elle n'a pas fait de testament. Les héritiers qui jalousaient la pauvre Pia l'ont renvoyée dans sa famille sans un sou. Monsieur, vous pouvez penser combien elle a souffert. Ses parents sont de très braves gens, mais elle était devenue une vraie dame. Enfin, le bon Dieu a eu pitié d'elle, parce qu'il a vu comme elle aimait San Spirito. On la laisse passer toutes les journées chez moi pour soigner l'église, et elle a mieux que résignée, elle est heureuse. C'est ici sa vraie maison. Et elle aussi peut dire en parlant d'elle-même « Et ciancil la domini ». Nous étions entrés, comme il tenait ce discours, dans l'intérieur de la petite église. C'était une construction à 3 nefs, dont les murailles avaient dû autrefois être peintes à fresque d'une extrémité à l'autre, un pan, à côté de la porte, montrait encore de vagues formes coloriées. Une incurie de plusieurs siècles avait laissé cette décoration se dégrader. Maintenant, ces longues murailles se développaient vides et toutes blanches. Les vitraux des fenêtres avaient été remplacés par des carreaux dépolis qui filtraient un jour neutre et gris. Mais cette clarté sobre convenait bien à ce pauvre temple dénudé, dont la dernière splendeur consistait en une suite de colonnes de marbre, évidemment arrachées à quelque temple païen, et presque toutes différentes de grandeur, de style, de matière. L'architecte du 8e siècle les avait utilisées telles quelles en exhaussant ou abaissant leurs bases. La plupart étaient de porphyre, quelques-unes de granit, d'autres de marbre blanc ou de brèche verte. Aucun des chapiteaux ne ressemblait exactement à un autre, quoique presque tous trahissent leur origine romaine. Des volutes, des oves et des perles ioniques s'y mélangeaient aux feuilles d'acanthe corinthiennes. L'autel, isolé au milieu de l'abside semi-circulaire, se dressait en arrière des deux ambons. La mosaïque des colonnettes de son baldaquin, exécutée dans le goût des cosmates, attestait, elle aussi, l'ancienne magnificence de San Spirito in Val d'Elsa. Ainsi dépouillée de la parure de tableaux, de statues, de bas-reliefs, de métaux ciselés et d'étoffes qui, en Italie, fait un musée de chaque église, celle-ci apparaissait vêtue de la seule beauté de ses lignes. Le plan sévère de la basilique primitive s'y révélait, dégagé de toute surcharge. Il avait fallu, pour la ramener à cette sorte de schéma idéal, le plus patient et le plus intelligent travail. L'archiprêtre y avait dépensé 40 années, et jouissant de mon admiration pour ce qui avait été l'œuvre de son existence, sa poésie, son amour, il continuait son monologue. Quand je suis venu ici pour la première fois, il y a bien longtemps, en 1845, nommé par hasard, j'ai pleuré de chagrin, oui monsieur, j'ai pleuré, et de vraies larmes, devant la ruine qu'était cette belle chose. Ce mur à gauche avait une lézarde qui descendait jusqu'au pavé. Il a fallu le reprendre depuis le bas. Maintenant, un tremblement de terre ne le secourait seulement plus. Toutes les solives ont été changées là-haut, toutes, et les embons. Voyez la délicatesse de cette figure de pan qui marche parmi ses feuillages et ses raisins. Savez-vous où j'ai retrouvé cette pierre que des barbares avaient arrachée? Pourquoi je vous le demande? Elle faisait la margelle d'un puits dans notre campagne. Tenez, on reconnaît la trace des deux cordes qui servaient à tirer les seaux, et ces mosaïques, dans les parties évidées de ces jolies colonnettes torses, c'est la Pia et moi qui les avons restaurées, petit carré par petit carré. Mais voici la Pia elle-même, monsieur, avec les clés. Venez jusque dans l'abside, vous verrez la merveille des merveilles, une voûte que vous couvririez tout entière de pièces d'or, sans la payer ce qu'elle vaut. » La jeune fille, dont l'archiprêtre m'avait esquissé la touchante histoire, arrivait en effet, mais la tête nue, à présent, une adorable tête un peu longue et dont la forme grecque se devinait sous ses cheveux blonds, simplement séparés au milieu par une raie et sans une frisure. Elle apportait une clé, dont la tige était deux fois plus grosse que ses doigts, rendue plus fin encore par des mitaines en fil de nuances bises. Cette petite coquetterie de parure, l'extrême propreté de la simple robe en laine verte, sur laquelle tranchaient une collerette et des poignées de dentelle certainement faits par elle-même, les galons noirs cousus au bas de la jupe, tout révélait, dans cet enfant de pauvre fermier qui avait traversé une vie si différente de sa vie actuelle, un souci de ne pas trop déchoir. La modestie de son virginal visage, le regard réservé de ses yeux d'un gris doux, la grâce un peu farouche de chacun de ses gestes, faisaient aussitôt comprendre que ce naïf effort d'élégance était pour elle seule. Aucune coquetterie ne l'avait guidée dans ses soins. On devinait, rien qu'à la voir marcher sans bruit, de son pas léger et souple, une créature d'une distinction innée. La grossièreté de son milieu natal aurait trop justifié chez elle la révolte contre l'injuste sort. Mais non. Une sérénité pieuse et gaie émanait au contraire de tout son être. C'était vraiment la petite servante du Seigneur, comme l'avaient salué Don Casalta, Marthe et Marie à la fois. Celle qui s'évertue, préparant chaque chose dans la maison, et celle aussi qui écoute la parole du Maître. Dès cette première rencontre, le secret de cette destinée se fit perceptible pour moi jusqu'à l'évidence. Par un de ces prestiges qu'exercent les sentiments très sincères, l'archiprêtre avait insufflé à cette Pia, la bien nommée, comme il avait dit encore, l'amour passionné voué par lui à son Église. Pour le grand artiste inédit qu'était ce Toscan de pure race, la conservation de San Spirito, de ce joyau d'architecture, avait représenté un roman vécu, un poème réel, une longue extase imaginative, entretenue 40 ans durant, et ce roman se continuait dans les lèvres du vieillard, ce poème était devenu celui de la fine paysanne, rejetée, après de périlleuses gâteries de sa mère adoptive, dans les médiocrités de la chaumière paternelle. Cette extase d'un culte, poussée jusqu'à la ferveur, pour une belle chose d'art dont on a la garde, illuminait également les prunelles de l'initié et de l'initiateur. Je crois les revoir, ces deux visages, celui de l'archiprêtre et celui de son acolyte, se levant, une fois la grille de l'abside ouverte, avec la même idolâtrie, vers la merveille annoncée, ce qu'il aura fallu couvrir deux pièces d'or avant de la payer. C'était une voûte entièrement composée de caissons en terre cuite, chacun exécuté sur un moule différent, et d'une originalité de décoration que les mots ne peuvent pas rendre. Des corolles de fleurs fantastiques s'y entrelaçaient à des fruits irréels, des feuillages de songes s'y mariaient les uns aux autres en reliefs adoucis par des teintes adorablement nuancées, et dont Casalta reprenait. « Voilà le chef-d'œuvre de Cieco. Connaissez-vous les vers qu'il a mis au bas du buste de son Élisa ?» Jean, l'aveugle et qui aimait Élisabeth, l'a sculpté ainsi d'après l'idée que lui en donnait l'amour. Et ses fleurs aussi, ses feuillages, c'est le grand amour qu'il avait des choses créées par Dieu, qu'il les lui a fait voir et sculpter ainsi. Ah, ces malons de terre cuite! Ils nous ont donné plus de peine encore que les colonnettes cosmates de l'hôtel. Nous avons dû, la Pia et moi, les repasser, moulure par moulure. Nous y avons employé 16 mois. À la fin, les yeux me manquant, c'est elle qui a tout fait. Il fallait la voir, debout, sur l'échelle, là-haut, à 10 mètres. Elle avait le vertige, d'abord. Elle l'a dompté. N'est-il pas vrai, Pia ? C'était la besogne du bon Dieu. Je n'avais pas peur, répondit la jeune fille, qui rougissait d'être interpellée ainsi devant un étranger. Il y avait dans ces mots une profondeur de foi d'autant plus touchante que l'accent étouffé dont ils étaient prononcés dénonçait une si craintive timidité. Avait-elle dû frissonner de cette peur dont elle se défendait ? La frêle enfant, tandis qu'elle exécutait, pendant des heures et des heures, cette besogne périlleuse, loin du sol, avec le vide autour d'elle, au-dessous, partout. Je la regardais regarder la voûte dont je mesurais mentalement l'effrayante hauteur. Ses délicates paupières battaient un peu, son souffle se faisait plus court, comme il arrive au souvenir d'un danger passé qui nous saisit d'une émotion rétrospective, et elle avait un sourire d'une douceur fière à l'idée de son propre héroïsme, tandis que Don Casalta, avec ce pouvoir de penser par image, inné dans cette race où la spiritualité même s'anime et se sensualise, commentait le mot de son élève. « C'est vrai, nous sommes tous d'argile et Dieu est le grand potier. Il ne casse ses bases qu'à sa volonté. Mais, insista-t-il, je vous offre, monsieur, une bien pauvre hospitalité. Vous reverrez l'église tout à votre aise, car je vois que vous êtes connaisseur. Auparavant, il faut vous restaurer. Vous allez boire du vin de mon jardin. » Son rire s'était fait naïvement, enfantinement orgueilleux, pour dire ces mots de propriétaire. « Il mio orto, mon jardin, » répéta-t-il. « C'est une treille contre le presbytère dont nous coupons les raisins, la Pia et moi, à l'automne, et c'est elle qui me fait ce vin. Oh, pas beaucoup. Nous avons beau être de Toscane, nous ne sommes pas de ceux qui disent « Bois du vin et laisse aller l'eau au moulin. » Mais un verre du vin de San Spirito, c'est de la jeunesse pour toute la journée. Et l'église est si fraîche qu'il faut vous réchauffer. Vous n'y êtes pas habitué. Nous, en été, la Pia et moi, nous avons ici des heures délicieuses. L'air n'y est jamais plus chaud que maintenant, et en hiver, jamais plus froid. Allons. Mais auparavant, regardez cet effet des deux colonnes de porphyre près des fonds. Quelle pureté de ligne! C'est le pur chapiteau ionique. Un professeur allemand est venu ici, qui croit que San Spirito était d'abord un temple d'Apollon. Dans ce cas, monsieur, notre basilique serait la plus vieille de la province. Le digne homme aimait si partiellement son église qu'il racontait cette origine païenne avec la même exaltation qu'il avait mise tout à l'heure à me célébrer le génie du Cieco. Cependant, nous étions arrivés devant une petite porte qui communiquait directement avec le presbytère. Le temps de gravir quelques marches creusées par l'usure, de tourner dans un corridor, nous débouchâmes dans une pièce très haute et très claire qui servait de salle d'études à l'archiprêtre. Tout, dans cette chambre, racontait cette dévotion à San Spirito in Valdelsa, qui avait soutenu et enchanté cette existence, si humble dans son décor, si romanesque dans son ardeur intime. La bibliothèque était remplie de hauts volumes dont le format seul dénonçait des ouvrages relatifs aux beaux-arts. Une table d'architecte, dressée sur des tréteaux, montrait des lavis et des épures avec un arsenal d'équerres, de règles, de compas, de bâtons d'encre de Chine, de godets et de pinceaux. Au mur étaient suspendues des photographies et des gravures représentant le plan, la silhouette ou les détails des basiliques contemporaines de celle-ci, de San Giorgio de Valpolicella, la Santa Teutaria de Vérone, la San Salvatore de Brescia, la Santa Maria de Pavie, qui fut longtemps Sainte Marie hors de la porte et qui est devenue Sainte Marie des Chasses, et de Rome, la Santa Maria in Cosmedine, San Saba, San Clemente, Santa Prassede, que sais-je. On pense bien que ma pauvre instruction d'homme de lettres ne va pas jusqu'à reconnaître, ni jusqu'à connaître, les divers spécimens du vieillard roman épars sur la terre italienne. Mais j'entends encore donc Casalta me nommant, les uns après les autres, ces vénérables sanctuaires, et il concluait. Tous, je les ai tous vus de mes yeux. Vous pouvez m'en croire, je suis bien désintéressé. Il y en a de plus riches que San Spirito, de plus ornés, de mieux conservés. Il n'y en a pas un qui donne une impression d'une beauté plus pure. Il n'y en a pas un qui est autour de lui ce paysage. Par la fenêtre grillée, il me montrait la douce vallée de l'Elsa, où les ombres commençaient de grandir. Une lumière transparente et divinement pure descendait sur la terre brune, sur les oliviers d'argent, sur l'eau verte de la rivière et sur les hauts cyprès noirs près de la chapelle qui cachait la ferme du père de la Pia. Cela émanait du ciel bleu comme une caresse, comme une bénédiction. Je me retournai vers le vieillard. Sa noble figure était en harmonie avec ce calme horizon devant lequel il avait passé tant d'heures. La jeune fille entrait, tenant aux mains un plateau avec deux verres et des tranches de ce gâteau noir qu'on appelle la sienne du panforte. Une vieille femme la suivait, que je reconnus à la ressemblance pour la sœur de mon hôte, cette demoiselle Bice, dont le nom avait été prononcé tout à l'heure. Elle avait le flacon du précieux vin, qu'elle était âgée et cassée, mais elle aussi sourit à l'étranger d'un sourire ami. C'est ma sœur, me dit l'archiprêtre. Elle a 80 ans depuis la Saint-Sylvestre. C'est un grand âge. Malheureusement, elle est sourde, elle qui aimait tant causer. Que voulez-vous? Dans ce monde, il faut s'adapter, s'enrager ou se désespérer. Elle s'adapte. C'est un ange de Dieu pour la patience. Sans elle, et s'il n'avait pas tenu ma maison comme elle l'a fait, je n'aurais pas pu mettre à Saint-Spirito tout l'argent que j'ai mis. Et elle a eu du mérite, car je dois reconnaître qu'elle n'a jamais compris la beauté de cette église. Elle ne s'y entend pas aux choses d'art, excepté pour la musique. Elle chantait. Ah, si vous l'aviez entendu entonner à la Pentecôte, le Veni Sancte. Bon, prenez le verre qu'elle vient de vous remplir. Sans cela, elle me grondera, parce qu'en bavardant, je vous empêche de boire. Don Avice avait débouché la bouteille de sa main toute tremblante et commencé d'en verser le contenu. La Pia me tendait le plateau. Je pris le verre où tremblait une liqueur de topaze, un de ces vins comme j'en buvais, petit garçon en Auvergne, dans une vieille et douce maison de Combronde, et qui, fait avec des raisins conservés au grenier, s'appelait là-bas vin de paille. Quelle association d'idées éveillait en moi ce chaud et un peu âpre breuvage, retrouvait une telle distance du pays où j'ai grandi. Je n'eus pas le temps de m'y livrer, car à la minute où je portais le verre à mes lèvres, j'aperçus, sur le bureau où écrivait d'habitude l'archiprêtre, un objet qui me fit m'écrier aussitôt. Ce n'était qu'un petit panneau de bois peint, qui représentait évidemment une scène empruntée au livre de Tobie. Quatre personnages la composaient. Un ange allait vêtu en chevalier, tenant d'une main une épée, de l'autre une boule. Un second ange suivait en robe longue, sa droite portait un coffret de médecine, tandis que sa gauche soutenait un jeune homme en costume de voyageur et chargé d'un poisson. Un troisième ange fermait la marche avec un lys dans ses doigts. Un chien jappait parmi eux, celui dont parle la Bible, et qui courut le premier avertir le père aveugle. Un paysage de terre ravinée, comme on en voit dans cette partie de la Toscane, faisait à ces personnages, merveilleusement enluminés, un fond fauve sur lequel s'enlevait en pleine vigueur le bleu intense, le rouge profond, l'orange pâle et le vert très doux des vêtements, l'or des auréoles et celui des armures. Si je ne suis pas assez bon archéologue pour distinguer au premier regard une basilique du 8e ou du 9e siècle, j'avais, dès lors, étudié assez longtemps les maîtres de Sienne, à la Pinacothèque, sous la direction du seigneur Amilcar, pour reconnaître à l'examen, dans cette adorable peinture, le fer d'un artiste de cette école. Un détail me permit même de discerner presque aussitôt que l'auteur était Francesco di Giorgio ou Nero Cio. L'ornementation des grenouillères et des brassards, où se voyaient de minuscules têtes de chérubins ciselées en or sous l'acier du métal. C'est une décoration habituelle à ces deux peintres pour tous leurs anges en armure. Une autre particularité acheva de me renseigner sur l'origine de ce panneau, les quatre blasons peints dans la partie d'en bas avec la date 1471. Mais, fis-je involontairement, et sans réfléchir à ce que ces mots techniques et d'une érudition si spéciale avaient d'inintelligible pour mon hôte, c'est une couverture d'un livre de Pitcairn. Et voyant son étonnement, oui, ce petit panneau a dû servir de reliure à un compte de douane ou de gabelle. On appelait à Sienne ces sortes d'impôts de ce nom de Pitcairn, et ceux qui examinaient les comptes de ces impôts s'appelaient les camerlingues de Pitcairn. C'étaient toujours de grands seigneurs, très riches, et ils avaient l'habitude de faire chaque année relier le cahier qui contenait ces comptes entre deux panneaux de cette dimension. La décoration de cette reliure était confiée aux meilleurs artistes. C'est une des particularités de l'histoire de Sienne, cette coutume. Quand vous irez aux archives de cette ville, vous verrez des livres de Pitcairn, au nombre de 100 ou 150, ceux que l'on a pu ramasser, décorés ainsi sur leur reliure par Sano di Pietro, par Matteo, par Lorenzetti, par Duccio. Ce panneau-ci est d'un maître excellent. Je nommais les deux peintres auxquels je songeais. Au-dessous, voilà les blasons des camerlingues de cette année-là. J'ai vu beaucoup de ces petits tableaux. J'en ai rarement rencontré un plus fin de ton, plus ingénieux de composition, mieux conservé. « Vous êtes bien sûr de ce que vous me dites là, monsieur ?» fit l'archiprêtre après un silence durant lequel il étudiait la mystérieuse peinture. Son expressif visage avait traduit en m'écoutant un intérêt passionné. « Parfaitement sûr, » répondis-je. « Eh bien, par hasard, car ma science est toute récente. Avant-hier, mon ami M. Martini, le conservateur du musée, me montrait cette collection des tablettes de Pitcairn aux archives, et en m'expliquant ce que je viens de vous répéter. » Il déplorait que le musée ne fût pas assez riche pour en acheter, lui aussi, quelques-unes. Alors ceci serait de Francesco di Giorgio ou de Nero Cio? Sans aucun doute. Et ce sont de grands peintres, de très grands peintres. Voulez-vous me redire ces noms que je les écrive? Fit le digne homme. Puis, avec un air de triomphe, tu avais raison, Pia. Mais quelle visible faveur d'en haut, quel don du Saint-Esprit! Il se signa, et bonhomme dans son exaltation, oui, monsieur. Nous avons eu ce petit panneau dans l'héritage d'un vieil oncle qui était chanoine à San Gimignano. Il y avait dans les deux caisses qui nous furent envoyées toutes sortes d'objets, des livres, des papiers, de vieux vêtements et 5 ou 6 peintures, dont celle-ci. Je voulais vendre le tout à quelques marchands forains. Pensez donc, nous avons tant besoin d'argent pour notre église. J'ai vendu le reste, mais cette peinture, non. La Pia l'a mise à part, en soutenant qu'elle était d'auteur. Moi, je doutais. Vous avez vu. Dans une église comme San Spirito in Valdelsa, avec quelle emphase il prononçait ce nom. Il ne doit y avoir que des chefs-d'œuvre. Aussi n'ai-je jamais rien voulu pendre sur les murs. Mais puisque vous m'affirmez que c'est une belle chose, cela me semblait bien, mais j'avais peur. Je ne m'entends un peu qu'en architecture. De grands peintres. Francesco di Giorgio, vous dites, Nero Cio, un livre de Pitcairn. Il faut encore que j'écrive ce mot. Il le fit. Puis, prenant le panneau à deux mains et le plaçant à distance de ses yeux presbytes. « Oui, c'est un Tobie. » J'hésitais à cause des 3 anges. Dans l'écriture, il n'y en a qu'un. Bon, un peintre n'est pas forcé d'être un théologien. Sans aucun doute, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré à mon oncle de nous laisser ce tableau. Et à vous, monsieur, de venir ici. Quelle surprise! Mais quelle surprise! Voyons, Pia, demanda-t-il en se tournant vers la jeune fille. Où allons-nous mettre ce tableau? Je vais l'accrocher tout de suite. Devant notre hôte, pour qu'il ait le plaisir de le voir en place, puisque c'est lui qui l'a découvert. N'avez-vous pas toujours dit qu'il manquait justement une peinture dans la chapelle de la Vierge? Répondit la jeune fille. Tu as raison, reprit-il, plus exalté encore. Puis, avec un air découragé, mais le cadre? Soyez tranquille, répondit-elle vivement. Je me charge d'en faire un de bois que je recouvrirai d'étoffe à mon idée. Vous me laisserez libre? Et chancilla domini. Répéta solennellement et familièrement l'archiprêtre en me la montrant. Puis il reprit son verre, qu'il avait, dans le saisissement d'une trouvaille aussi complètement inattendue, reposé plein sur la table, et me forçant de reprendre le mien. « Ne méprisons pas les plus humbles dons de Dieu, » fit-il. « Nous qui ne sommes pas comme ceux-ci. » Et montrant les 3 anges du livre de Pitcairn, il récita le verset que l'Ancien Testament prête au guide céleste du jeune Tobie. « Il vous a paru que je buvais et que je mangeais avec vous. » Mais je me nourris d'une viande invisible et d'un breuvage qui ne peut être bu des hommes. Le soleil un peu baissé l'éclairait, tandis qu'il élevait au ciel avec une reconnaissance pieuse et qui n'était même plus étonné, tant sa foi était profonde et simple, cette goutte d'ambre liquide. Ce doux soleil tombant mettait une auréole de cendre blonde au front intelligent de la jeune fille. Il dorait le vieux visage ridé de la sœur. Il jetait une poussière de clarté sur la délicieuse peinture, si finement miniaturée par le grand artiste siennois. J'eus l'impression que c'était là une heure d'un charme bien rare, et m'associant en pensée à la ferveur de l'archiprêtre et de son élève, ravi d'avoir un joyau de plus pour emparer leur chère église, je répétais, tout bas, cette simple parole, qui contient peut-être le dernier mot de toutes les sagesses : « Ne méprisons pas les plus humbles dons de Dieu. »